échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Macou au microphone et Jean-Philippe Boisbriand est là aussi. Et il fait tout le reste. Voilà, aujourd'hui une émission premièrement consacrée aux Residents, parce qu'on a appris la mort d'un des membres, Artie Fox. Et ensuite, on plonge dans des vieux trucs, en partie du vieux Père Ubu, Joy Division. Il y a des trucs plus récents comme Annika. Puis on a vraiment du Tuxedo Moon, même Gang of Four. Puis ensuite, des trucs d'Halloween. Oh oui, allons-y. Thank you. sign, the clover grow over the ground where I live. Come back, Petunia, come back, I say. I'm hoping soon you'll be, I'm hoping soon you'll be with me to stay. sound of rolling thunder underneath the shed above the ground. The gentle breezes long ago had given way to rain, when moving in between the clouds we saw a shaking plane. As we looked up and stood upon the field that we had plowed, it seemed to stop and strangulate upon the darkest cloud. It made a graceful arching dive into a field of grass. Yesterday we found a purse, today we found some glass. Or does it? so incredibly thin that even the end of an eyedropper sucked him in. Now Skinny never knew any questions, and Skinny never looked at lights, but Skinny sold something. Does anybody want some roses? Eh oui, ben ça commençait comme ça. Parce que, évidemment, les Residents ont perdu un membre, en fait, qui n'était plus membre des Residents depuis 2015, Hardy Fox, mais qui continue à composer pour eux, puis qui est décédé d'une tumeur au cerveau, assez rapidement, semble-t-il. Puis, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il faisait. Alors, on a mis plein de trucs des Residents. Jean-Philippe a choisi, fait une sélection de ses hits, mais savoir où Hardy Fox apparaît là-dedans, nous ne le savons pas. Ça a commencé par Explosion, un extrait de Santa Dog de 1972. Santa Dog qui était un single avec quatre pièces qui ont ensuite été ajoutées, je pense, à Meet the Residents pour quand ils ont réédité en 1978 Meet the Residents, qui était paru en 1974 d'abord, et dont on avait une pièce aussi qui était la suivante, Rest Area, des Residents encore. Puis on est passé à Guillaume Bardo sur le même disque, Meet the Residents, qui est un des préférés de Jean-Philippe. Ouais, Guy Lombardo. Guy Lombardo. Oui, voilà, tantôt. Parfois, lorsqu'on lit des trucs comme ça, on peut changer un peu la prononciation sans s'en rendre compte. Guy Lombardo. Ensuite, on est passé à Fingerprints, disparu en 1977, Home Age Conversation. Et ensuite, March de la Winnie, Fingerprints d'encore de 77. J'ai aucune idée de comment ils veulent bien qu'on prononce ça. Ils étaient originaires de la Louisiane, les Residents. Alors, et du Texas aussi, mais alors comment il aurait voulu qu'on le prononce, c'est une bonne question. Flying, ensuite, c'était sur The Beatles Play the Residents and the Residents Play the Beatles, de 77. Il y a certains de leurs disques qui ont été difficiles à commercialiser parce qu'évidemment, ils mettaient des images des Beatles dessus. Et Third Reich and Roll, qui avait produit aussi, s'est retrouvé avec une pochette à peu près totalement censurée en Allemagne, parce qu'il y avait tellement de références à Adolf Hitler et de toutes sortes de trucs de ce genre-là qui, évidemment, les symboles étaient interdits en Allemagne, même si c'était pour les dénoncer. Crashing, c'est une pièce de The Residents and Ronaldo and the Loaf sur un excellent disque qui s'appelle Title in Limbo. Et on a continué avec Never No Questions sur Not Available de 78, réédition en 78. Hello Skinny de Dogstab, Buster and Glenn. Ça, c'est vraiment un très bon album aussi. Puis on a terminé avec Time's Up, qui vient d'une compilation qui s'appelle Subterranean Modern, paru en 79, et sur lequel il y a beaucoup de très bons trucs. Après ça, on va aller faire un petit tour dans toutes sortes d'affaires, du genre Père Ubu et Joy Division. We'll be right back.

der Mensch lebt lange, 700 Sachen. Sieben Herzen, sieben Zungen, sieben Schwänze, sieben Pfoten. Mein Hund wird sterben, es rapportiert mein Herz. Ich denke jetzt schon dran, buddle ihm ein Grab. I'm not supposed to wake up the drawers. Quiet, quiet. Les échangeurs d'air, toujours avec vous jusqu'à 22h. Qu'est-ce qu'on a eu pour ce bloc? On a changé d'époque à quelques reprises dans le bloc. On a commencé avec Père Ubu sur Dub Housing de 1978, oui, On the Surface. Groupe né en 75 à Cleveland, en Ohio. Puis à géométrie variable, il y a plusieurs personnes qui y sont passées. Moi, quand je les ai connus, c'était David Thomas, il y avait Alan Ravenstein, Tony Maimone et Tom Herman, il me semble. Mais il y a plein de gens qui sont passés par là, dont Anton Fear, Chris Cutler aussi comme batteur, ce qui gâchait pas du tout les choses. Puis, évidemment, mon préféré, Alan Ravenstein, qui joue des synthés, mais vraiment en branchant ses fiches et tout ça, puis c'est vraiment très, très chouette. Il y a quelques bons tubes. J'ai cessé d'écouter, j'ai pas suivi les derniers trucs, mais au début des années 80, c'était pas mal ce que j'écoutais le plus. Joy Division suivait avec These Days sur Love Will Tear Us Apart, 45 tours de 1980. Joy Division, bon, est-ce qu'on pourrait dire que c'est du post-punk? J'adore utiliser l'expression post-punk. Ben non, pas du tout. C'est un groupe de rock britannique qui vient de Manchester. puis ça a été fondé en 75. Puis, à une certaine époque, ça a vraiment frappé un peu chez tout le monde chez qui j'allais. Il y avait un disque de Joy Division qui jouait régulièrement. Et c'était, on dit qu'ils sont post-punk, finalement. Jean-Philippe dit que c'est quand même un petit peu post-punk. Comme Pierre Bellat ou tout ce qui venait après le punk, finalement. Meat Beat Manifesto nous faisait Mass Producing 8 sur Subliminal Sandwich. Évidemment, on pourrait, en voyant Mass Producing 8, penser à ce qui se passe de ces temps-ci dans la société. Puis on serait pas dans le tort. Meat Beat Manifesto, c'est un groupe britannique avec Jack Dangers et Johnny Stephens. Puis ils viennent de Swindon, dans le Wiltshire, en Angleterre. Qu'est-ce qu'on a eu après? Ah oui, Annika, qu'on met assez régulièrement, qui nous faisait cette fois-ci End of the World sur l'album Annika de 2010. Et maintenant, elle est... comment ça s'appelle? Exploded View, voilà. Elle est, c'est ce qu'on avait mis la semaine passée ou il y a deux semaines, peut-être, une pièce de Exploded View. Avec des musiciens qu'elle a rencontrés au Mexique qui ont été engagés pour l'accompagner, puis finalement, ça a cliqué. Et ils sont ensemble maintenant à faire de la musique. Félix Cobin et Mariola Briovska. Wein dein own stirb. Oui, voilà. Bon, je m'excuse auprès de tous les auditeurs allemands pour cette horrible prononciation, mais l'album s'appelle House of a National Dog de 2006, et Felix Cobin, bon, c'est né à Hambourg en 69, musicien électronique, puis a fait plein de trucs déjà, même si relativement jeune, finalement, 49 ans, c'est tout petit, puis il est associé avec Mariola Briovska, qui est une artiste que je connaissais pas, qui est une comment on pourrait dire, polyvalente, voilà, une artiste polyvalente qui est née à Sopot, en Pologne, et qui est en Allemagne depuis l'âge de 20 ans. Puis elle semble être très importante dans la communauté artistique parce qu'elle gagne des tonnes de prix pour toutes sortes de choses. Puis je pense que je vais aller chercher sur elle un petit peu plus, parce que là, j'avais une courte biographie. Oi nous faisait Trolls. Trolls, ça nous ramène à l'actualité récente. First Buck, Then Walk. Eux, ce sont des Suisseaux-Ghanéens. En fait, voilà, excusez-moi, voilà ici. Comment ça s'appelle? Ah, Joy Frampong. Une chanteuse s'appelle Joy Frampong et le batteur s'appelle Marcel Blatty. Puis ils sont à Zurich en Suisse maintenant, mais Joy Frampong a vécu les premières années de sa vie au Ghana. On a continué avec Tuxedo Moon qui nous faisait Joe Boy, The Electric Ghost, Electronic Ghost sur Joe Boy, The Electronic Ghost, 1/45 tour de 1979. J'ai écouté beaucoup de Tuxedo Moon à une certaine époque. On était toute une petite bande à aimer. Beaucoup sont originaires de San Francisco. Ils sont encore actifs depuis 1977. Puis le bloc s'est terminé avec Gang of Four, Y Theory, sur Solid Gold de 1981. Puis, eux, c'est le genre de groupe qui démontre bien à quel point les compagnies de musique peuvent être tannantes parfois. Avec bon, il avait refusé pour passer une émission à la BBC de changer les paroles, les paroles d'une chanson. Puis évidemment, la compagnie de disques était tellement offusquée qu'ils ont décidé de plutôt se concentrer sur Duran Duran. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on aura après? Je vais regarder ça. Ça commence par The Jayhawks. Et puis il y a les Saphirs aussi et d'autres choses. I remember it was one dark and dreary night. The sky was dark and not a trace of light. That shortcut through the graveyard didn't feel too good. But nothing was gonna happen, at least I didn't think it could. Then I heard a noise that sounded like great big feet. Then I thought about this monster that craved on human meat. Was it the creature from the Black Lagoon? No! Was it

Allons les bons qu'on l'aille. I'm gonna plant me a tree, but I can't see. And tell my baby goodbye. Appeared with this crazy sound. My baby looked up kind of mesmerized. Then she gave a long moan, much to my surprise. Did the most, just the most, I'm his number one fan. Yes, I've fallen in love with this monster man. She's falling in love with a monster man. Complain, but the guy's too ugly and hasn't got a brain. With great yellow fangs reaching down to his chin. Why, you just wouldn't go where this guy has been. He was growing green hair on top of his lid. Just the crazier kind of mixed up kid. Been sort of stitched up by a sewing machine. But my baby says, yeah, this monster's a dream. She's falling in love with a monster man. She's falling in love with a monster man. Now the monster was weird, just a little unreal. Seemed kind of short of a sex appeal. He was dragging his chains and groaning his groan. Not really a guy that a girl should take home. To the scene where the monster should die, my baby broke down and she started to cry. Said this monster I love in a strange kind of whisper, he's my kind of guy, 'cause I'm Dracula's sister. Terminé comme ça, Benoît Arcand est là, après avoir passé l'Halloween, hein, c'est ça, là, pour Terrain Vague. Est-ce qu'il a passé l'Halloween dans des terrains vagues? On ne sait pas, mais il ne nous a pas amené de bonbons. C'est pas si grave, là, remarquez. Je voulais pas le dire en ondes comme ça, mais... Bon, ça finissait comment, notre histoire? Ça finissait avec The Jayhawks, qui nous faisait The Creature from Outer Space de 1957. C'est le bloc Halloween, finalement. Ça vient d'une compilation qui s'appelle The Complete Insane Madness Invasion. Puis The Jayhawks, donc, ce que j'ai trouvé pour eux, sont devenus The Vibrations après, puis... Le leader du groupe s'appelait James E. Johnson. Voilà. Il n'y a pas une tonne d'informations sur les groupes des années 50 qui ont cessé d'exister dans les années 50. Les Saphirs nous faisaient Jivaros sur la compilation Ils sont fous, ces Gaulois, volume 1. C'est un groupe belge qui est fondé probablement en 62, autour de ça. Un de ces jours, je trouverai plein d'informations sur eux, mais je pense pas qu'il y en ait des tonnes non plus. Mais ça vient d'une compilation. Hein. Oh, Jean-Philippe me dit que c'était surtout un groupe instrumental, en fait. Et ensuite, nous sommes passés à The Cramps, qui nous faisait Human Fly sur Gravest Hits de 1979. The Cramps, ben, c'est surtout Lux Interior et Poison Heavy. C'est l'histoire finalement de deux personnes qui se rencontrent, un ramasse l'autre sur le pouce, puis ils se rendent compte qu'ils ont des intérêts communs pour les films de série B, les 45 tours rares de rock'n'roll, puis les trucs trash un peu, puis ils décident de faire un groupe. Fait qu'ils appellent d'autres mondes à un moment donné qui savent pas jouer d'instruments eux non plus. Puis finalement, ben, tout ce beau monde a fini par apprendre et à faire toutes sortes de trucs assez rigolos. The Cramps, donc, de 75 à 2009. The Novas nous faisait The Crusher en 64 sur une compilation qui s'appelle Rockabilly Psychosis and the Garage Disease, paru en 1984. The Novas, ils viennent de où? Fort Worth, au Texas. Puis, ils ont été actifs de 63 à 68. On peut voir une excellente photo d'eux. Puis, ils étaient reconnus pour leur harmonie. Voilà. Puis, ils sont devenus assez populaires dans leur patelin. Puis, au Texas, en Louisiane aussi, tout ça. Puis, Jean-Philippe les a ressortis d'une compilation. Ah, c'est beaucoup à cause des Cramps. Voilà. Ah, voilà, parce que les Cramps avaient repris leur chanson. Voilà toute l'explication. Charlie Feathers nous faisait Jungle Fever sur une compilation qui s'appelle Jungle Fever 1955 à 62 Recordings. Charlie Feathers, il vient de où? De Holly Springs. Holly Springs, au Mississippi. Voilà. Puis il a fait beaucoup de rockabilly, du rock'n'roll, du country. Puis, il a été... en fait, il est décédé en 98, oui, voilà, à 66 ans. Un autre dont on n'entend pas parler des tonnes, mais un peu. Ouais, c'est ça qu'on m'a dit, Jean-Philippe. Il aurait pu être Elvis, mais ça n'a pas marché. En fait, pour une raison dont je ne me souviens plus. Hazel Atkins nous faisait Do the Scalp sur The Wild Man de 87. The Wild Man, ça correspond bien à Hazel Atkins parce qu'il était vraiment fou. Pour aller voir H-A-S-I-L Atkins, A-D-K-I-N-S, allez voir sur sa vie un peu, vous allez avoir du plaisir. She's Falling in Love with a Monster Man de 63, c'était Screaming Lord Such qui, sur l'album Screaming Lord Such Story. Puis lui, ben, on peut dire que c'est un musicien. Bon, un chanteur sans talent particulier, mais qui a amené le style un peu Alice Cooper, déjà pour l'époque, bien pas mal avant Alice Cooper, même si Alice Cooper a commencé assez tôt aussi. Puis il a mené une vie politique aussi. Il s'est présenté une quarantaine de fois aux élections en Angleterre. Puis une fois même, il a obtenu plusieurs centaines de voix dans le comté de Margaret Thatcher. Puis tout à coup, ils ont décidé de faire passer le prix de l'inscription des candidats de 150 à 500 livres. Donc, ça l'a amené à faire plus de concerts pour pouvoir continuer. Dead Beats nous faisait Crazy When I Hear That Beat sur Dead Beat de 85. Un groupe qui sort de quelque part. Voilà. Oui, c'est ça, un groupe anglais. Voilà, puis on a terminé avec Stella, la chanteuse, pas le groupe, qui, sur la compilation, toujours, ils sont fous, ces Gaulois. Vol 1. Si vous connaissez quelque chose de pire qu'un vampire, parlez-moi toujours, ça pourrait peut-être me faire sourire, de 1966. Et c'est comme ça que ça se termine. Eh oui, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On dit à la semaine prochaine.